Exercice 8, page 104. Virelangue. Jean mange 111 tranches de jambon blanc. Jean mange 111 tranches de jambon blanc. Jean mange 111 tranches de jambon blanc.